67e leçon. L'optimiste et le pessimiste. La bouteille est à moitié pleine. La bouteille est à moitié vide. Au nouvel an. Bonne année. Un an de moins à vivre. Après la pluie, vient le beau temps. Quel temps de chien. Enfin, les premiers beaux jours. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ah, un mois de vacances au soleil. La rentrée va être triste et dure. Le vin va être très bon cette année. Les prix vont augmenter. Cette leçon est facile. Attendez demain. Quelle différence y a-t-il entre un homme politique et un miroir? Les miroirs, eux, réfléchissent sans parler, alors que les hommes politiques parlent sans réfléchir. Exercice. La salle était à moitié vide. Le prix du vin a beaucoup augmenté. Il a donné la réponse sans réfléchir. Quelle différence y a-t-il entre un an et une année? Il a travaillé pendant 30 ans. Le vin va être très bon l'année prochaine.